Qu'est-ce qui peut nous purifier de nos péchés? Seulement le sang de Jésus et la grâce de Dieu. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement de Charles Stanley. De nombreuses théories circulent au sujet de la mort et de la vie après la mort, mais seulement la Bible révèle la vérité à ce sujet. La Bible dit, dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset devrait terrifier quiconque n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme sauveur personnel, la mort est une porte qui s'ouvre sur la souffrance, la douleur et les tourments éternels. Dans cette émission, Charles Stanley va démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers le Seigneur Jésus pour obtenir le salut. Jésus est disposé à sauver n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Si vous saviez qu'il ne vous reste que quelques heures à vivre, que vous n'êtes pas un chrétien et que vous ne savez pas comment être sauvé, que feriez-vous? Que liriez-vous? Commenceriez-vous à lire la Bible? Chaque jour, beaucoup de personnes font face à la mort sans y être prêtes. Est-ce que Dieu peut sauver quelqu'un à la dernière minute après une vie gaspillée dans le péché et n'ayant rien à offrir à son Créateur? En d'autres mots, êtes-vous prêt pour la mort? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. En fait, vous pouvez mourir et rencontrer Dieu n'importe quand. Nous n'avons aucune garantie en ce qui concerne la durée de notre vie. Nous pouvons partir n'importe quand. Je vous invite à écouter ce message attentivement, car il pourrait déterminer où vous passerez l'éternité. La passerez-vous avec Dieu ou séparés de lui dans les tourments de l'enfer? Je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Évangile selon Luc, chapitre 23. Nous allons lire les versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Au moment où Jésus est venu sur terre, la crucifixion était la méthode d'exécution privilégiée des Romains pour châtier les pires criminels. Ils n'exécutaient personne de cette façon sauf les esclaves, les pires criminels, les opposants au régime de Rome et les rebelles. Les deux hommes crucifiés en même temps que Jésus étaient des criminels de la pire espèce, comme on en crucifiait souvent à cette époque. Par contre, l'homme du milieu n'était pas comme les autres personnes qui avaient été crucifiées. Si quelqu'un avait dit que l'on crucifiait le Fils de Dieu ce jour-là, personne ne l'aurait cru et on se serait moqué de lui. Mais ceux qui avaient connu le Seigneur Jésus savaient que l'on crucifiait le Fils de Dieu entre deux criminels. Ce fameux jour, la foule n'a pas été témoin d'une crucifixion ordinaire. Les crucifiés souffraient atrocement, suspendus à une croix, transpercés par des clous. Il nous est impossible d'imaginer ce qu'ils pensaient. Jésus était au milieu d'eux depuis 9 heures et la troisième heure de l'après-midi approchait. Bien qu'ils souffraient depuis des heures, les deux criminels avaient trouvé l'énergie pour se moquer de Jésus et blasphémer. Les deux hommes crucifiés avec Jésus étaient coupables des crimes pour lesquels ils avaient été condamnés. Souvent, nous lisons ce passage et nous l'interprétons faussement. Nous pensons qu'il y avait un bon et un mauvais larron. Cependant, les deux étaient coupables de crimes graves et les deux avaient insulté Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 44, cela nous est confirmé. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les deux brigands insultèrent Jésus au début de leur crucifixion. En agissant ainsi envers Jésus, les brigands suivaient l'exemple de la foule, qu'elle aussi le huait. Tous, en fait, se moquaient de Jésus. Notez quelque chose de très intéressant. Un des criminels a soudainement changé d'attitude. l'autre est demeuré impénitent. L'un des deux a donc cessé ses moqueries en observant ce qui se passait autour de lui. Il a été touché au plus profond de son âme, et alors qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre, il est devenu croyant. Remarquez le changement qui s'opère chez ce brigand. C'est une preuve assez claire de son salut. Les deux brigands seront morts dans quelques heures, mais écoutez ce que dit à Jésus celui qui ne s'est pas repenti. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Autrement dit, « Si tu es le Messie, fais-nous descendre de nos croix. » Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Cet homme qui se moquait de Jésus et qui l'insultait adresse maintenant des reproches à l'autre brigand. Il lui demande s'il ne craint pas Dieu puisqu'il subit la même condamnation. Pourquoi injurier cet homme qui n'a rien fait? Pourquoi blasphémer alors qu'un innocent est crucifié? Jésus n'est pas coupable de crimes dont on l'accuse. Notez la première chose qui s'est produite. L'un des deux criminels réprimande l'autre, car il insulte le Seigneur Jésus. Puis, il reconnaît qu'il est coupable et qu'il mérite sa condamnation. Nous pouvons croire que ce criminel a été sauvé pour une troisième raison. Il a manifesté une foi étonnante en Jésus. Réfléchissez à ce qui arrive. Il regarde Jésus mourir, il fait lui-même l'expérience de tout ce que Jésus souffre et il sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. Imaginez la scène. Le brigand repenti voit Jésus crucifié à côté de lui. Il sait qu'il endure les mêmes douleurs atroces que lui, car il subit le même type d'exécution, et il sait que Jésus va bientôt mourir. Que dit le criminel repenti à Jésus? « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » L'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 42. Il faut une foi exceptionnelle pour dire à un homme mourant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Lorsque j'étudie la foi de cet homme, je ne pense pas que la mienne soit plus grande que la sienne. Vous et moi avons la foi en Jésus-Christ, car nous avons la Bible, la parole de Dieu écrite. Nous avons été témoins de vie transformée par la grâce de Dieu, mais nous n'avons pas vu Jésus vivant sur terre. Nous avons lu la révélation que Dieu nous a donnée dans la Bible, et nous avons eu confiance en lui. Nous savons que ce qui est écrit est vrai, car le Saint-Esprit nous l'a montré. Nous avons donc placé notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut et nous avons été sauvés. Voilà un homme qui est témoin de la mort d'un autre homme. Il n'a jamais possédé une Bible. Il n'a jamais eu en main toute la révélation de Dieu comme nous. Cet homme a vécu dans le péché, il a désobéi à Dieu et il s'est rebellé contre lui. Il s'est opposé à Rome et à son propre peuple. Que le voit-on faire? Il regarde un autre homme mourir et il en arrive à la conclusion que cet homme pourra le sauver lorsqu'il rendra son dernier soupir. Sa requête est une expression de foi grandiose. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La Bible nous montre que le criminel a cru que Jésus avait un pouvoir surnaturel, de sorte que même si le Seigneur était en train de mourir sur la croix, il pouvait le sauver d'une façon quelconque après sa crucifixion. Comment Jésus pouvait-il le sauver alors qu'ils étaient tous deux attachés à une croix? Il n'y avait pas de preuve visible que Jésus, qui était lui aussi mourant, pourrait faire quoi que ce soit pour l'aider. Cependant, quelque chose s'est produit dans le cœur du criminel. Après avoir insulté Jésus, il a reconnu qu'il était indigne et qu'il méritait sa condamnation pour tous les crimes qu'il avait commis. Puis, il s'est adressé à l'inconnu crucifié à côté de lui et lui a demandé de le sauver. Il ne lui demande pas de le détacher de la croix. Il ne lui demande pas d'être délivré de son châtiment. Non, il lui déclare « Souviens-toi de moi » quand tu viendras dans ton règne. » Cet homme a posé tout un geste de foi. Est-ce que j'ai des doutes au sujet de son salut? Certainement pas. Si j'avais eu des doutes, la réponse de Jésus les aurait dissipés. Notez la réponse de Jésus au verset 43. « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'expression « Je te le dis en vérité » signifie « assurément ». Lorsque Jésus nous assure de quelque chose, tout le ciel l'approuve, l'appuie et s'en réjouit. Avez-vous bien entendu ce que Jésus a dit au criminel? Le salut de cet homme ne fait aucun doute. Est-ce que vous mettriez en doute votre salut si Jésus se tenait devant vous et vous disait « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Est-ce qu'un petit doute pourrait vous effleurer? Non! Vous ne remettriez pas votre salut en question. Dans cet extrait, nous assistons à la rédemption d'une personne. Sur ces trois croix, un acte de rédemption est en train de s'accomplir, là, sous nos yeux. Au milieu du sang, de l'agonie, de la souffrance, des douleurs, nous voyons la rédemption glorieuse et fantastique d'une personne. Un homme qui est un grand pécheur, qui ne peut rien faire pour se sauver, qui est totalement impuissant devant la situation, est sauvé au vu et au su de toute une foule moqueuse. Le nom de cet homme est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce jour-là, il y a dû y avoir de grandes réjouissances dans le ciel. Voilà un homme qui est en train de mourir avec ses péchés. À côté de lui, un autre homme est en train de mourir pour les péchés des autres. Un troisième est en train d'être sauvé de ses péchés et il reçoit la promesse de la vie éternelle ainsi que l'assurance qu'il sera en présence de Dieu. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul. « Lorsque je pense à la mort, c'est le verset qui me rassure le plus. » Paul a dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Citation de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. L'apôtre Paul nous explique que lorsque notre cœur battra pour la dernière fois, lorsque nous rendons notre dernier souffle, Dieu nous rappellera à lui. Si nous sommes absents de notre corps, nous sommes avec le Seigneur. Lorsque nous mourrons, on ne nous mettra pas quelque part dans un cercueil où notre corps, notre âme et notre esprit attendront 1000 ans, 100 ans, 1 heure, 1 minute ou 1 seule seconde, car nous ne pouvons pas enterrer un enfant de Dieu. En quelques heures, ce criminel est passé de la prison à la croix et de la croix au ciel. Est-ce que Dieu l'a sauvé? Certainement. Pourquoi l'a-t-il sauvé? Certainement pas parce qu'il y avait quelque chose de bien chez lui. Il a été sauvé parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. Nous avons la preuve de son salut. Je vous pose maintenant cette question. Comment a-t-il été sauvé? Il n'a pas demandé à Dieu de lui pardonner ses péchés. Il avait déjà reconnu qu'il était pécheur et qu'il méritait sa condamnation. Il n'a pas dit à Jésus, « Je me rends compte que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Cependant, il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Il a accepté ce fait malgré les moqueries et les accusations de la foule. Il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Comment cet homme a-t-il été sauvé? Il est en train d'agoniser, mais il a été sauvé de la même façon que vous et moi. Il a été sauvé par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » S'il y a un passage dans la Bible qui montre clairement ce qu'est la grâce de Dieu, c'est celui-ci. Paul annonce clairement que nous sommes sauvés par la grâce, la bonté, l'amour, la miséricorde et la bienveillance de Dieu, sans considération aucune pour notre valeur personnelle, nos œuvres, nos actions et nos mérites. Répétons ce verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Comment est-ce que cet homme a été sauvé? Uniquement par grâce, par la grâce de Dieu. Il était mourant, il n'a pas eu le temps de mériter ou de gagner son ciel. Il n'a pas eu le temps de réformer son comportement ni de faire des œuvres. il n'a pas pu se faire baptiser, car on ne baptisait pas le jour de sa mort. Il n'y a absolument rien que pouvait faire cet homme pour se sauver par ses propres moyens. Le seul moyen de salut possible était d'accepter la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu cette grâce par la foi en Jésus-Christ. Il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il reconnaissait que Jésus était roi et qu'il était le Sauveur. Il croyait à la vie après la mort. Il croyait en Dieu et il croyait qu'il serait avec lui dans l'au-delà. Il a exprimé sa foi en Jésus-Christ et c'est cela qui a sauvé cet homme. Il était disposé à accepter la grâce de Dieu par la foi et à recevoir le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, sans rien ajouter à cela. Quelle porte du ciel est-ce que cela ferme? Écoutez, mes amis, des personnes pensent qu'au jugement dernier, Dieu comptera et évaluera leurs bonnes ainsi que leurs mauvaises actions. Si les bonnes actions et si le bien qu'elles auront fait dépasse le mal qu'elles auront fait, elles seront admises au ciel. Cependant, ce n'est pas ainsi que cela se passera. Le salut s'obtient uniquement par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous purifier de nos péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus versé sur la croix. Le criminel a été sauvé le jour où il s'est tourné vers le Seigneur Jésus, peu de temps avant sa mort. Il a été sauvé par le sang de Jésus versé pour lui, car c'est par ce moyen que Dieu a choisi de nous sauver. Qu'a fait exactement le criminel? Il a entendu le message de la grâce de Dieu. Quoiqu'il ne comprenait pas totalement que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde en donnant sa vie comme rançon, il a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur. Il a été sauvé par la grâce de Dieu. Le jour où le Seigneur Jésus a été crucifié, il a versé son sang et ce sang a permis d'expier tous les péchés commis depuis Adam jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce sacrifice est suffisant pour tous les péchés de tous les êtres humains qui ont existé et qui existeront. La crucifixion a été suffisamment puissante pour accomplir cela. Comment est-ce que le brigand a été sauvé? Par sa foi en Jésus-Christ. Nous revenons donc à notre question. Une personne peut-elle être sauvée à la toute fin de sa vie? La réponse est oui. Une personne peut être sauvée sur son lit de mort. Quelqu'un peut se dire, « Je suis heureux d'entendre cela. Je peux attendre jusque-là pour être sauvé. » Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous prouve que vous pourrez le faire? Qu'est-ce qui vous assure que vous aurez le temps de recevoir Jésus comme sauveur? Comment pouvez-vous prédire jusqu'à quel point vous pourrez attendre? Aucun de nous ne peut connaître le moment de son départ, de sa mort. Il est écrit dans la Bible, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Le psaume 14, verset 1er, ainsi que le psaume 53, verset 1er. Je veux vous parler d'un autre insensé, celui qui dit qu'il va attendre jusqu'à la dernière minute. C'est une décision folle, car vous ne pouvez pas prévoir ni le jour ni l'heure de votre mort. Cette décision d'attendre est insensée pour une autre raison. Ce n'est pas parce que vous avez le temps de le faire que vous recevrez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur. Des gens arrivent au terme de leur vie et ils savent qu'ils mourront bientôt. Lorsque vous leur parlez du Seigneur, ils répondent, « Essaies-tu de me dire que j'ai rejeté Jésus toute ma vie et que je me suis rebellé contre Dieu et qu'il va me recevoir maintenant? » Je n'ai jamais été intéressé par la Bible ni par les choses spirituelles. Et Dieu m'accepterait? Je ne crois pas cela. Je ne crois pas que Dieu veuille m'accepter maintenant. Je sais que je vais mourir et aller en enfer, mais Dieu ne veut plus de moi maintenant. J'ai gaspillé toute ma vie et je vis les dernières heures de ma vie. Je n'ai rien à offrir à Dieu. Je ne peux plus rien faire pour lui et tu me dis qu'il va me sauver. Oui, Dieu peut sauver une personne à la dernière minute. Malheureusement, de nombreuses personnes ne peuvent pas le croire même sur leur lit de mort. Il y a un autre danger. Une personne peut avoir le temps de recevoir le Seigneur Jésus comme son Sauveur, mais elle n'a aucun désir d'être sauvée. À quelques reprises, des personnes à qui j'ai présenté l'Évangile m'ont dit « Je sais que tu as probablement raison, mais je n'ai aucun désir de devenir chrétien. » J'aimerais vous mettre en garde contre un danger réel. La Bible nous avertit de ne pas endurcir notre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Entre autres, le psaume 95, verset 8, et l'épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 8. Lorsque vous rejetez le Seigneur Jésus, l'Évangile, l'Église, Dieu, la Bible, les sermons, les amis qui témoignent de leur foi, vous devez penser à une chose. Vous ne pouvez tout régler à la fin de votre vie. Pourquoi? Vous pensez que vous en aurez le temps, cependant. La Bible nous prévient de ne pas endurcir notre cœur. Un cœur endurci dit « Le ciel ne m'intéresse pas. Je ne crois pas à tout cela. Je m'en fiche éperdument. Si je meurs, je vais simplement mourir. Tout sera terminé comme ça l'est pour un chien. » Une personne qui rejette Dieu peut avoir un cœur si endurci qu'elle devient incapable de croire. Peut-être vous demandez-vous « Le Seigneur ne sauve-t-il pas tous ceux qui l'implorent ?» Oui. Le Seigneur sauve tous ceux qui l'implorent s'ils ont une foi sincère en lui. Oui, quelqu'un qui a gaspillé sa vie peut être sauvé à la dernière minute. Alors, pourquoi ne pas attendre à ce moment-là? Nous ne pouvons pas remettre le salut de notre âme à plus tard, car nous ne savons pas quand nous mourrons. Un accident, et vous n'en aurez plus l'occasion. Tout sera perdu. Vous ne désirez peut-être pas être sauvé. Votre cœur sera peut-être trop endurci parce que vous aurez rejeté trop souvent le Seigneur Jésus. Est-ce que Dieu sauve des personnes vers la fin de leur vie? Certainement. Dieu sauve parfois une personne qui a gaspillé sa vie et qui ne peut rien offrir à Dieu. Pendant combien de temps l'Esprit l'a-t-elle attiré? Pendant toute sa vie. Est-il sage de remettre sa conversion plus tard? Jamais. Voyez ce que dit la Bible. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. La Bible ne dit jamais que demain est le jour du salut, par contre, elle dit toujours que c'est aujourd'hui. Tandis que vous avez encore l'occasion de vous repentir et d'obtenir le salut, je vous encourage à considérer quelques points. Un jour, vous comparaîtrez devant le Dieu vivant. Cela est inévitable et incontournable. Rien ne peut modifier cela. Qu'importe ce que vous croyez, qu'importe ce que vous pensez de la Bible, ce n'est pas là la question. Vous devrez comparaître devant Dieu. Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel seront accueillis dans le ciel. Ceux qui comparaîtront avec une grande liste d'excuses découvriront que pas une seule ne sera valable. Retenez bien ceci. Lorsque vous vous tiendrez devant Dieu, si vous êtes une personne qui aura rejeté Jésus-Christ, vous serez aussi devant le Seigneur Jésus. Ce sera alors l'expérience la plus terrifiante, la plus atroce, la plus horrible que vous n'aurez jamais vécue. Vous ne pourrez pas vous justifier. Vos excuses ne seront pas acceptées et vous n'aurez pas l'occasion de vous défendre. Vous ne comparaîtrez pas pour déterminer si vous êtes coupable ou innocent, mais strictement pour recevoir votre condamnation. Votre incrédulité et vos doutes ne vous éviteront pas du jugement et de la condamnation. Cependant, je peux vous assurer qu'il est possible de régler la question de votre éternité une fois pour toutes. Vous n'avez pas à attendre d'être à l'article de la mort pour vous assurer d'aller au ciel. Vous pouvez régler la question immédiatement. Je vais vous dire comment le faire. Qu'importe votre situation et le genre de vie que vous menez. J'espère que vous aurez la sagesse de régler la question aujourd'hui. Voici ce que je vais faire. Je vais prononcer une prière facile. Si vous adressez cette prière à notre Père Céleste avec moi, vous pouvez être sauvé immédiatement, peu importe où vous vous trouvez. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que le Seigneur Jésus est mort pour mes péchés. Je reçois ton Fils comme mon Sauveur personnel immédiatement. Merci de faire de moi un de tes enfants. Par la puissance du Saint-Esprit, je veux vivre pour ta gloire le reste de ma vie. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen.